Ligue JMS, on va parler avec Pierre Guin. On rappelle que cette chronique est une commandite d'identification sport. Salut Pierre. Salut Danny. Pierre, on va parler maintenant du côté de la Ligue JMS, les Éperviers de Normandin et les Marquis de Jonquière. On va commencer avec cette finale-là parce que ça nous touche plus, parce que tu comprendras qu'on est dans la région de Lebeau. Donc c'est normal qu'on parle des Éperviers. Comment ça va cette série-là? Ben, la série a débuté dimanche soir à Jonquière, puis les Éperviers l'ont remporté 5-2. Puis je peux dire que si les Éperviers continuent à jouer du hockey comme ils ont joué dimanche, on va avoir toute une série. Ils ont de grosses chances de l'emporter dimanche. Les hommes de Kevin Tremblay étaient partout sur la glace, disciplinés. Ils ont joué une très belle partie de hockey. Ils sont bien gérés, hein? Kevin, il me parle pas, là, mais il fait le bon job pareil. Oui, Kevin fait un très bel job. C'est un très bon entraîneur. À Normandin, ils ont une bonne organisation. Ah oui, c'est une grosse organisation. Tu sais, c'est ça la force que, peu importe que ce soit, il est dans le junior régional ou le midget régional ou la Ligue du Lac au Fleuve. Ici, dans le Haut-du-Lac, nos équipes, là, c'est la meilleure équipe. C'est l'équipe numéro un. Tandis qu'au Saguenay, tu sais, les régions régionales, là, vous êtes à loin, là, au Saguenay, là. T'es Saguenayen, t'es Marquis, t'as la Ligue du Lac au Fleuve, t'as tes élites. C'est tout ça la différence, hein? Ah, c'est sûr qu'à Normandin, tu sais, les Éperviers, c'est l'équipe. C'est l'équipe du Haut-du-Lac, puis c'est l'équipe du Lac présentement. Ça fait, écoute, 25 ans qu'ils existent. Ouais. Et depuis qu'ils sont à Normandin, ben, ça a toujours été l'équipe de la place, puis... Je pense que ça va toujours demeurer l'équipe de la place. Ils ont des bons supporters. Ouais. Et ça aide beaucoup. C'est pas mal l'équipe qui est pas mal la plus bien garnie au point de vue organisation, supporters, puis tout le reste. Ça va. T'sais, quand tout va en avant, ben tout marche, tout va en arrière aussi. Hein. Ouais, effectivement. Puis c'est le deuxième match demain soir, c'est ça? Oui, le deuxième match demain soir. Après ça, je pense qu'ils vont rejouer en fin de semaine samedi à Jonquière et dimanche à Normandin, le quatrième match. OK. L'autre série, les Sags contre les Aiglons. Oui, OK, les Marquis, les Sagans, ouais. Les Marquis Jonquière. Ça s'est terminé 5-2 dimanche, mais cela ne veut rien dire parce que les Aiglons sortaient d'une dure série contre les Castors de Dolbeau. Ils avaient joué vendredi à Dolbeau. Ils avaient gagné à Alma. Ils avaient été joués à samedi à Dolbeau. Ils avaient perdu. En dedans de 12 heures le lendemain, ils jouaient à 1 heure le lendemain. Mm. Donc, trois parties en dedans de 60 heures. C'est dur pour le conditionnement physique, mais on n'avait pas le choix. C'était les équipes qui ont choisi de débuter la finale le 24. Jonquière avait le choix de choisir la date de début vu qu'il avait fini en tête et ils ont choisi le 24. Pour être avantageux, et c'est normal. Je pense que toutes les équipes l'auraient fait aussi. OK. Donc, c'est effectivement, donc, ça se poursuit également en fin de semaine. Ligue midget régionale, maintenant. Les Castors ont été éliminés dans la Ligue midget régionale. Oui, les Castors ont été éliminés par les Adelons en une série de 7 matchs. Les Castors ont fait très belle figure. Je veux dire, pour une équipe de 15 et 16 ans, là, ça a été la grosse surprise de la saison, bien dirigée par Robin Bouliane. Les jeunes Castors ont très bien figuré. Écoute, 5 matchs contre Chicogamo dans une série 3-5, 5 matchs contre les Edlons où on s'attendait que les Edlons devraient gagner peut-être en 5, 6 maximum. Ils ont rendu à la dernière partie, j'ai assisté aux 3 derniers matchs, mais la dernière partie, c'était 4-1 les Edlons, où tout semblait rouler sous l'or, Dolbeau ont même revenu dans la partie avec marquant 2 buts dans les 7 dernières minutes pour faire 5-3. 4-3, et ça a pris un but dans les filets des verts dans la dernière minute pour que les Edlons sortent victorieux. Donc, chapeau au Castor et à Robin Bouliane. Oui, effectivement. Puis Robin, c'est un gars solide. Là. C'est un gars très, très solide, Robin Bouliane. Là. Sérieux, puis il attire le respect, puis ainsi de suite. Donc, puis l'année prochaine, tu sais, je vais y parler jeudi pour faire le bilan des Castors. Mais il me disait off the record qu'il va avoir une bonne équipe encore l'année prochaine. Ah, normalement, il devrait être l'an prochain, il devrait être un top 4 facile. Je pense qu'il perd pas un joueur. Non, effectivement. Tous les 15-16 ans, il n'y a pas 17 ans, là, tous les 15 15 ans, 16 ans. Donc, il va se ramasser avec des 17-16. Mm. Peut-être une, un, deux, trois jeunes de 15 ans. Et l'année prochaine, il devrait avoir une très bonne équipe. Il y a déjà des bons pivots. Ça fait que ouais. Il y a un excellent gardien de but. Il y a un excellent gardien de but. Il y a deux bons défenseurs, deux gros défenseurs. Il y a deux, trois bons joueurs d'avant. Ils sont solides. Alors, il va avoir un... Je suis pas inquiète pour Robin l'année prochaine avec son équipe. Il va être parmi les meilleurs de la Ligue. Semble-t-il que ce ne sera pas lui qui va... Il va rester comme assistant l'an prochain. Ce sera un... Il veut donner la chance à un jeune pour former un jeune. Donc, on va y parler de façon jeudi, là. Fait qu'il va, il va nous le dire, effectivement. Donc, c'est les Aiglons en finale contre les Sags, ben, en fait, les Marquis, les, en fait. Là. Ben, les Marquis Jonquin, oui. Ouais. Donc, ouais, comment tu vois ça? Un et deux de l'année. Ouais, ça ben, va être une grosse série, hein? Ouais, ça va être une grosse série, ça devrait rouler. Ça devrait être une série dure, robuste, parce que on laisse tomber la première partie où c'est la fatigue qui a joué, mais à partir de vendredi, là la série devrait commencer à partir de vendredi. Okay. Je pense que les Aiglons devraient donner beaucoup de difficultés aux Marquis. Les Marquis ont une très bonne équipe. C'était la meilleure de la saison, mais Alba n'est pas dédaigné non plus. Hein. Effectivement. Donc, on se reparle la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine. Hein, les séries vont être avancées beaucoup. Okay. On va pouvoir dire un mot. Donc, on rappelle évidemment que cette chronique est une commandite d'Identification Sport. Donc, pour tous vos besoins, que ce soit pour les équipements sportifs ou encore pour les sacs de voyage ou vêtements sur mesure, c'est identificationsport.com. Pierre Guay, on s'en parle bientôt. Merci, Dani. Bye. Pierre Guay, le président de l'Église.